Icar, les kakis. Lue par Sabine pour audiocité.net sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. Je la vois sur un banc. Je me dirige vers elle. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Cela doit bien faire 3 ans que nous nous connaissons. Il me semble qu'elle se prénomme Denise. Encore que je n'en suis plus sûre, elle me l'avait dit pourtant un jour, lors de nos premières rencontres. Peut-être même la toute première, mais nous ne nous appelons jamais par nos prénoms. Je tourne la tête en arrière et regarde son chien derrière le banc. Il mange de l'herbe. Il est toujours en train de manger de l'herbe. « C'est pas un chien, c'est un mouton !» dis-je en souriant. « Argos, ça suffit !» cria-t-elle de sa petite voix tout en tirant sur la laisse. « C'est pas grave, » ajoutai-je toujours en riant. « J'aime bien le voir brouter, ça m'amuse. Et puis s'il broute, c'est que ça lui fait du bien. Il a sans doute besoin de se purger, il a peut-être des vers. Pourtant, je lui ai encore donné un comprimé il y a 2 semaines. » Je me penche et arrache une poignée de chien-dent que je tends à Argos. Il s'empresse de la manger et me lèche ensuite les mains. Elles sont toutes baveuses. Je les essuie avec un mouchoir en papier. Je caresse la tête du chien. Il aime ça et me regarde. « Tu es vraiment un gentil chien, Argos. Tu sais que ta maîtresse croit en la mettant en psychose. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Pourtant, je veux bien croire que dans une précédente vie, tu as été un mouton. « Laissez mon chien tranquille !» s'exclama Denise. « On ne plaisante pas avec ces choses-là !» Discrètement, je sortis un biscuit de ma poche. « Bon, Argos, je vais te poser une question et tu vas y répondre sérieusement. Est-ce que dans une précédente vie, tu as été un bon chien ?» Argos tourna la tête de droite à gauche. Denise avait l'air stupéfaite. « Et maintenant, Argos, est-ce que dans une précédente vie, tu as été un gentil mouton ?» Argos inclina la tête vers le bas. Denise avait l'air encore plus intriguée. Mais bientôt elle se baissa et aperçut le biscuit dans ma main. « Qu'il est bête !» s'exclama-t-elle. « Allez-vous enfin arrêter d'embêter mon chien !»« Je m'excuse, je ne voulais pas me moquer. Je voulais juste vous faire sourire. Je vous trouve bien triste aujourd'hui. »« Vous vous trompez, jeune homme. Je ne suis pas triste. Je vais hériter d'une belle maison à Antibes. » « Votre mère est décédée, la coupai-je ? » « Oui, hier matin, d'un cancer généralisé. Je suis triste parce que c'était ma mère. Mais il y a 2 ans que je ne l'avais pas vue. On ne s'est jamais bien entendu. Et puis, elle souffrait tellement que je pense que c'est mieux qu'elle soit partie. À quoi bon prolonger des souffrances ?» Denise sortit un mouchoir et essuya les larmes qui coulaient sur ses joues. « C'est drôle, je ne sais pas pourquoi je pleure. Ça doit être nerveux, parce que ma mère, je ne l'aimais pas, mais alors vraiment pas. Enfant, elle ne faisait que me taper dessus avec le martinet, elle me fouettait avec les lanières, et quand elle trouvait que ce n'était pas suffisant, elle utilisait le manche pour me taper dessus. En plus, elle me réprimandait pour tout et n'importe quoi. Souvent, je ne savais même pas pourquoi elle me fouettait. Denise avait 65 ans, ou presque. Il ne lui restait plus que quelques mois à travailler, et elle serait enfin à la retraite. Elle allait enfin pouvoir habiter cette maison dont elle rêvait depuis toujours. Elle m'en parlait souvent, c'était son rêve, le rêve d'habiter enfin une belle maison. Actuellement, elle habitait dans une HLM au rez-de-chaussée, non loin du parc de la Butte au Chapeau Rouge. C'était bruyant, un de ses voisins mettait toujours la musique très fort. Elle s'était plainte plusieurs fois, mais le voisin ne tenait aucunement compte de ses plaintes. Comment un petit bout de femme comme elle aurait pu se faire respecter. Il manquait un homme à la maison. Il avait toujours manqué un homme. Pourtant, Denise était tombée enceinte une fois, mais elle s'était fait avorter. Elle était jeune, elle avait 25 ans. À l'époque, elle n'avait pas hésité à se faire avorter. Elle ne voulait pas être regardée comme une fille mère. Elle voulait conserver toutes ses chances de trouver un vrai mari. Un jour, je lui ai demandé pourquoi ça n'avait pas marché, mais elle ne m'a pas répondu. Elle ne voulait pas en parler. Et puis, un jour, alors qu'on parlait beaucoup de l'affaire Strauss-Kahn, elle m'a dit « C'est comme ça que c'est arrivé, avec un client qui m'a prise de force, comme l'histoire de ce monsieur dont on parle tant en ce moment. Vous savez, Je n'ai pas toujours été femme de ménage dans des petits hôtels. J'ai même travaillé au Ritz quand j'étais jeune. J'ai même serré la main d'un émir une fois. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi vous m'aviez dit que vous étiez obligée d'avorter, pourquoi vous n'aviez pas le choix. En fait, on a toujours le choix. Mais je ne voulais pas compromettre mes chances de trouver un mari. Maintenant, il m'arrive de regretter, de me dire que j'aurais dû le garder, mais à 25 ans, je ne pouvais pas savoir. Et puis, rendez-vous compte, je ne savais absolument rien de cette personne, je ne savais même pas son nom. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai essayé de savoir. J'ai demandé à la réception si je pouvais consulter la fiche d'un client, en donnant la date. Mais on l'a tout de suite mal pris. Vous rendez-vous compte, une femme de ménage qui demande la fiche d'un client, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai donc rien su. Jamais rien dit non plus. Je ne voulais pas perdre mon travail. Au rez-de-chaussée où elle habitait, Denise attachait les volets métalliques à l'aide d'un cadenas. Elle laissait la fenêtre ouverte, mais les volets étaient toujours fermés, tenus par le cadenas. Seul un très mince filet de lumière de quelques centimètres pénétrait à l'intérieur de l'appartement. Elle m'avait toujours dit qu'elle avait peur que des cambrioleurs ne rentrent par la fenêtre. Mais au fond, était-ce bien des cambrioleurs qu'elle avait peur? N'avait-elle pas peur qu'une sorte de Strauss-Kahn n'enjambe l'appui de fenêtre et l'agresse physiquement? Elle m'avait dit qu'elle ne supportait pas les portes entrebâillées. Il fallait toujours qu'elle les ferme, surtout quand elle était en train de passer l'aspirateur dans une chambre. Elle avait toujours peur qu'un homme ne profite du fait que la porte soit entrebâillée pour entrer, et qu'elle ne l'entende pas arriver, qu'il la jette ensuite sur le lit et la prenne de force, comme c'était arrivé. Denise avait 65 ans, mais en paraissait 10 de plus. Elle avait une amie qui avait 86 ans, une retraitée de l'enseignement. La première fois que je les avais vues ensemble, j'avais pensé qu'elles avaient sensiblement le même âge. C'est dire si Denise paraissait bien plus âgée que son état civil. Elle n'était pas très grande, ne s'habillait pas très bien, mal fagotée, aurait dit mon père. Elle avait les cheveux gris, presque blancs, coiffés à la va-vite. Elle avait deux dents ébréchées, les dents du haut. On le remarquait immédiatement dès qu'elle parlait. Une camarade l'avait poussée dans la cour de l'école pendant la récréation et elle était tombée sur un banc en ciment. Elle s'était toujours dit qu'avec son premier salaire, elle se ferait poser deux belles dents toutes neuves. Mais ça ne s'est jamais fait. Un jour, Irène, une autre de ses amies qui la connaissait depuis longtemps, lui avait dit devant moi « Tu perds la boule, ma pauvre, avec ta manie de toujours fermer toutes les portes, ta manie de mettre des cadenas partout, même au volet. Tu ne crois quand même pas qu'on va te violer à ton âge ?» Sur le coup, j'avais cru entendre « voler » et non « violer », sans toutefois en être bien sûr. Mais Denise répondit « Qu'est-ce que tu crois? On voit que tu ne regardes jamais les informations. L'autre jour, à Toulouse, une dame de 75 ans s'est fait violer par un type d'une 30aine d'années qui sortait tout juste d'un hôpital psychiatrique. » En entendant la réponse de Denise, je me dis que j'avais tout faux. Je m'étais toujours dit qu'elle attachait ses volets avec un cadenas pour éviter qu'une sorte de Strauss-Kahn n'enjambe l'appui de fenêtre. Mais au fond, je n'y croyais pas. Ça m'amusait juste d'y croire. Au fond, je savais bien qu'elle faisait cela pour se protéger des cambrioleurs. Et voilà que d'un seul coup, j'apprenais que c'était peut-être bel et bien la vraie raison. Cette peur, cette angoisse s'était restée enfouie en elle durant toutes les décennies de son existence. Et même si elle n'avait plus lieu d'être, elle continuait d'exister. Elle restait active et existerait certainement jusqu'à sa mort. Denise prit le lendemain le train pour Antibes. C'était la première fois qu'elle prenait le TGV. Elle trouvait le billet extrêmement cher, surtout qu'elle n'avait pu avoir une réduction et elle l'avait acheté à la dernière minute. « Après tout, c'est pas grave maintenant que je suis riche », m'avait-elle dit. « Il faudra juste que je fasse preuve d'un peu de patience, le temps que tous les papiers soient signés et qu'ils me donnent l'argent qui me revient. Les clés, je les ai déjà. Ma mère m'en avait donné un double il y a bien longtemps. Et ils n'ont jamais changé les serrures depuis. » J'avais prêté une valise à Denise. Quand elle m'avait dit qu'elle n'avait qu'une vieille valise qui datait de l'après-guerre, une grande valise marron en fibre vulcanisée, je lui avais dit qu'elle ne pouvait quand même pas voyager avec ça. « Et pourquoi pas? Ça revient à la mode, ça fait vintage », m'avait-elle répondu. « Cette valise, j'y tiens, elle appartenait à mon père. C'est la seule valise qu'il ait jamais eue, et le seul bagage qu'il avait quand il est arrivé en France. Et puis, comme elle est grande, je pourrais mettre beaucoup de choses dedans. Je veux déjà emmener des affaires que je laisserai là-bas. » Je lui avais dit de faire comme elle voulait. Après tout, c'était peut-être elle qui avait raison, et qu'on trouverait que sa valise faisait vintage. Finalement, Denise m'appela pour me dire qu'elle ne trouvait plus les clés et que les fermoirs avaient tendance à s'ouvrir tout seuls si on ne les fermait pas à clé. Michel, ma compagne, la déposa à la gare de Lyon. Nous étions jeudi, et je ne m'attendais pas à revoir Denise avant une bonne semaine. Je lui avais dit qu'elle n'avait pas à s'en faire pour la valise, que nous en avions d'autres et que nous n'en aurions pas besoin pour les fêtes de fin d'année. Pour toutes ces raisons, je crus avoir la berlue en apercevant, le dimanche matin qui suivit, Denise en train de promener Argos dans le parc des Buttes-Chaumont. « Bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne devriez pas être à Antibes ? » m'exclamai-je. « Si, normalement, mais j'ai dû revenir. » « Pour quelle raison, si ce n'est pas indiscret ?»« Les nouveaux propriétaires ont déjà changé les serrures de la maison. Dès le lendemain de sa mort, ils ont changé les serrures. »« Attendez, je ne comprends rien de ce que vous me dites. Ne deviez-vous pas hériter de la maison à la mort de votre mère ?»« Si, normalement. Mais elle l'avait vendue en viager il y a 2 ans. Et ça, je l'ignorais. Elle ne me l'avait pas dit. »« Ah bon ? Alors de quoi allez-vous hériter, finalement ?»« Rien. » « Absolument rien. J'ai même dû signer une rétrocession ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus du mot, pour ne pas avoir à payer les dettes de ma mère ainsi que les frais d'enterrement. »« Ah bon? C'est incroyable ça, je n'en reviens pas. Vous n'avez absolument rien touché. »« Nenni, même pas un pet de lapin. » À ce moment-là, Denise avança la tête, la releva légèrement, et d'un frottement de l'ongle du pouce contre l'une des incisives de la mâchoire supérieure, accompagné d'un claquement sec de la langue contre le palais, me signifia à nouveau par ce geste qu'elle n'avait absolument rien touché. Nous étions en décembre. En quelques jours, la physionomie du parc avait complètement changé. Il avait neigé durant la nuit, et maintenant un mince tapis blanc recouvrait tout. Il était encore tôt, et les allées étaient belles. Peu de promeneurs les avaient foulées. Mais je savais déjà que dans 1 heure ou 2, la neige ne serait plus que boue. Je regrettais de ne pas avoir pris mon appareil photo. J'aurais aimé prendre en photo Argos avec son petit manteau rouge. C'était amusant de le voir manger de l'herbe. Il en arrachait une touffe qu'il recrachait presque aussitôt. L'herbe était gelée. Il attendait un peu, puis la mâchouillait sans l'avaler, sans doute pour la réchauffer. Puis il l'avalait enfin. Il courut vers un groupe de corneilles qui ne s'envolèrent même pas. Elles avaient bien vu qu'il était inoffensif, la longueur de sa laisse ne lui permettant pas de les atteindre, loin de là. Argos se contenta alors d'aboyer dans leur direction. Elles tournèrent un instant la tête, puis se remirent à percer de leur bec le fond du grand sac poubelle en plastique. Denise reprit. « Ma mère a touché un capital, plus une rente mensuelle équivalent au SMIC. Normalement, j'aurais dû hériter du capital. » Il était assez gros, près de 200 000 euros. Mais il n'y a plus rien, absolument plus rien. Elle a tout dépensé, ou plutôt tout donné à des charlatans. Je me permis de la couper. Excusez-moi, mais je ne comprends pas très bien. Alors ne me coupez pas tout le temps et vous comprendrez. Je vous ai dit que ma mère avait un cancer. Quand elle a su que la médecine traditionnelle ne pouvait plus rien pour elle, qu'elle était foutue, elle s'était alors tournée vers la médecine parallèle. Denise déboutonna le col de son manteau et me montra un magnifique collier. « C'est de l'ambre, dis-je. » « Oui, c'est un collier qui était censé l'aider à guérir. Je ne vous dis pas le prix qu'elle l'a payé, c'est incroyable. De l'ambre de la Baltique pour guérir d'un cancer. C'est incroyable comme on devient crédule quand il s'agit de sa propre vie. On est prêt à croire n'importe quoi. C'est incroyable qu'on s'accroche à ce point à la vie, sans doute parce qu'on n'a que ça, la vie. » Et rien d'autre. C'est atroce de s'accrocher ainsi, vous ne trouvez pas? Atroce et pourtant terriblement beau. C'est un hymne à la vie, à la grandeur de la vie. Mais en même temps, cela montre bien que nous ne sommes pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. C'est touchant ce que vous dites, Denise. Je ne sais pas ce que j'en pense, mais cela me touche, et j'y réfléchirai. Qu'est-ce que vous croyez? S'exclama Denise sur un ton qui lui était plus habituel. je ne suis pas aussi bête que tout le monde le croit. C'est pas parce que j'ai pas fait d'études. Et d'ailleurs, j'ai quand même mon certificat. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, c'est pas parce que je n'ai pas fait d'études que j'ai été femme de ménage toute ma vie que je suis plus conne qu'une autre. On voit bien tous les jours des gens bourrés de thunes et bardés de diplômes tomber dans des sectes. Regardez Tom Cruise, regardez Paco Rabanne. Je peux voir le collier? Demandai-je. Si vous voulez, mais aidez-moi à le défaire, j'ai les doigts gourds. Avec l'ongle du pouce, j'ouvris le fermoir. Il est vraiment magnifique, dis-je. J'aime beaucoup l'ambre. Vous avez vu comme chaque perle contient des petits animaux? En fait, il s'agit surtout d'insectes. Vous avez vu à l'intérieur de cette perle, il y a une fourmi. Et juste à côté, recroquevillé, on dirait bien qu'il s'agit d'une termite. C'est incroyable de penser qu'ils sont là depuis peut-être 20 millions d'années. Vous savez que l'amie de ma mère, sa voisine, voulait absolument que je lui laisse son collier, qu'elle soit inhumée avec. Cela peut se comprendre, dis-je. Vous croyez que je suis idiote? Elle l'aurait piqué ou le charlatan qui lui a vendu. Si vous saviez les conneries qu'elle m'a racontées. Tenez, lisez cette lettre. Denise sortit de sa poche une enveloppe qu'elle me tendit. Il y avait 3 feuillets à l'intérieur. Je ne vais pas tout lire, c'est assez long, dis-je. Lisez ce passage, dit-elle en pointant un des feuillets. Portez ce collier, emportez-le avec vous, il vous aidera à renaître dans la doua. Je ne comprenais pas la moitié de ce que je lisais. Il y était surtout question de l'Égypte antique et de ses croyances. Finalement, je lus tout, et même 2 fois. C'est vraiment un cinglé, le type qui a pondu ça, m'exclamai-je. Et vous avez vu qu'il a signé Amon Ré? Qu'est-ce que vous y comprenez? Me demanda Denise. Je n'en sais trop rien. Ce que j'ai retenu, c'est que Seth avait découpé le corps d'Osiris en 42 morceaux, et que c'est pour cela que le collier a 42 perles, comme les 42 morceaux d'Osiris. J'ai l'impression que le type lui a d'abord fait croire que le collier l'aiderait à guérir, grâce au pouvoir miraculeux de l'ambre. Et puis, aux portes de la mort, il lui a rejoué le mythe d'Osiris. Il lui a dit que son corps était pareil à celui d'Osiris, que le cancer, ce démon, avait divisé son corps en autant de morceaux, mais qu'elle n'avait pas à s'en faire, que tous ces morceaux seraient réunis dans la doua, le séjour des bienheureux, comme pour Osiris. « Mais comment peut-on croire en de telles âneries ? » s'exclama Denise. « Je n'en sais rien. Plus le mensonge est énorme, plus il est susceptible d'être cru. Il suffit de jeter un œil à la genèse du monde, selon l'Église de la Scientologie. C'est à se tordre de rire. Et sans vouloir être méchant, on a bien réussi à nous faire croire pendant plus de 2000 ans qu'un jour un homme était né d'une famille immaculée. » Il commençait à neiger. Arcos se remit à aboyer. Les corneilles avaient réussi à éventrer la poubelle et à sortir un grand sac en papier qui contenait les restes d'un repas. Une grande barquette de frites, presque intacte, roula dans la neige. Argos tira un grand coup sur la laisse, il voulait sa part du butin. « Reste tranquille, cria Denise, ou bien on rentre. » D'un seul coup, la laisse céda, et Argos se précipita vers les oiseaux en aboyant. Toutes les corneilles s'envolèrent. Argos se jeta sur les frites, il semblait vouloir les manger le plus vite possible. Mais bien vite il n'eut plus faim et en abandonna la moitié. « Je vais le chercher ? » demandai-je à Denise. « Non, ce n'est pas la peine, je le connais bien. Si on essaye de l'attraper, il va se sauver et il faudra lui courir après. Alors que si on ne fait rien, il reviendra tout seul. « Je le connais bien, il n'ira pas loin. Il va faire un petit tour, renifler tout ce qu'il trouve, et puis il reviendra se coucher à mes pieds bien gentiment. » Argos traversa l'allée pour fouler un grand tapis de neige immaculé. Il renifla à plusieurs reprises ce qui ressemblait à une taupinière, la poubelle abandonnée ainsi que les frites. Les corneilles s'empressèrent de revenir. Argos les aperçut avant nous et fonça à nouveau vers la poubelle en aboyant. Un des gros oiseaux noirs s'envola avec plusieurs frites dans le bec. L'une d'elles tomba devant le chien qui s'empressa de l'avaler. 2 corneilles ne s'étaient pas envolées, elles s'étaient juste éloignées de quelques mètres en sautillant. Argos les surveillait, tout en mangeant les frites qui s'enfonçaient dans la neige. « C'est incroyable, dis-je. Il n'a pas faim du tout, mais il va toutes les manger plutôt que de leur en laisser une seule. »« Il est pire qu'un gosse !» s'exclama Denise. Après, il va vomir sur son tapis et c'est encore moi qui nettoierai. » Denise revint sur le viager. « C'est dégueulasse de se faire dépouiller ainsi de son héritage. Je croyais qu'on ne pouvait pas déshériter ses propres enfants. Je n'aurais jamais imaginé que mon héritage me passerait sous le nez. » Elle fit un geste de la main et se passa l'index sous le nez. « Fuit, fuit! Et vous ne savez pas la meilleure? C'est le cousin du notaire, un avocat, qui a acheté la maison. Vous vous rendez compte? Le cousin du notaire. Soi-disant qu'il ne savait pas qu'elle était malade quand il a acheté. Mais moi, je sais très bien que c'est des conneries et qu'il était parfaitement au courant. La voisine me l'a dit. Ma mère a décidé de vendre la maison parce qu'elle n'arrivait plus à s'en sortir. Les soins étaient trop onéreux. Vous vous rendez compte? La maison avait été estimée à 500 000 euros et ils l'ont payée à peine plus de 200 000. C'est de l'escroquerie pure et simple. Je suis sûre qu'ils savaient très bien qu'elle avait le cancer quand ils ont acheté. Vous vous rendez compte? Ils auront juste versé la rente pendant 2 ans et maintenant la maison est à eux. Je me suis fait dépouiller par des margoulins. Argos! Cria fort Denise. Le chien était assez loin, mais l'avait entendu. Il était en train de manger quelques cochonneries. Il l'abandonna et revint lentement vers nous. Au fait, comment s'est passé l'enterrement? Demandai-je. Mais je n'y suis pas allé, je ne suis pas resté. Je n'avais nulle part où dormir. L'enterrement n'aura lieu que mercredi prochain. Quoi? Vous n'êtes pas resté pour l'enterrement? C'est quand même votre mère. Mais je voulais rester, mais je n'ai pas pu. On voit bien que vous ne connaissez pas le prix des hôtels à Antibes. Vous ne pouviez pas dormir dans la maison de votre mère? Je vous l'ai dit. Quand je suis arrivé, ils avaient changé les serrures. Mais attendez, je ne vous ai pas tout dit. Denise posa sa main sur le dos de la mienne. Ils ont fait preuve d'une grande générosité. Ils ont ouvert la maison spécialement pour moi et m'ont autorisé à dormir une nuit. Juste une nuit. Ils ne pouvaient pas plus, car dès lundi matin, des ouvriers doivent venir. Je regrette presque d'avoir accepté leur offre. Si j'avais été un peu plus intelligente, j'aurais couché dehors. Je me serais allongée devant le portillon. Voilà ce que j'aurais dû faire. Coucher dehors pour faire honte à cette vermine, à ces margoulins. Dommage que je sois aussi bête. Dommage que je manque tant de courage. Vous vous imaginez les titres des journaux? Une dame de 65 ans retrouvée morte ou transie de froid devant sa maison après s'être fait dépouiller par des margoulins. Denise eut un petit rire sarcastique accompagné d'un léger sifflement. J'avais déjà remarqué que parfois, quand elle riait et qu'elle ouvrait à peine la bouche, on entendait un léger sifflement, sans doute provoqué par les dents ébréchées. « On marche un peu, dis-je, vous m'avez l'air frigorifié. »« Si vous voulez. » Nous arrivâmes bientôt devant le grand plaque minier, l'arbre à kaki. Une bande d'étourneaux picorait les fruits. J'aperçus dans la neige un gros fruit rouge-orangé. J'aurais volontiers mordu dedans, mais il s'était esquinté en tombant. Je le ramassai et le lançai dans la direction d'Argos. « Pour toi, Argos ! » criai-je. J'avais oublié qu'il était un peu sourd et avait des réflexes assez lents. Il ne vit pas arriver le kaki et le reçut en pleine truffe. Il poussa un petit cri plaintif. Il en avait partout. Argos n'était visiblement pas content du tout, sa maîtresse non plus d'ailleurs. « Vous allez voir ça !» cria Denise. Elle ramassa une branche de bois mort et la lança en l'air. Son premier lancer fut sans résultat. Elle avança de quelques pas et recommença. Ce coup-là, le bâton atteignit une branche chargée de kaki et plusieurs tombèrent devant elle. Elle en ramassa un, qu'elle s'empressa aussitôt de lancer dans ma direction. « Pour venger mon chien !» s'exclama-t-elle en rigolant. J'eus tout juste le temps de me baisser pour éviter le fruit. Elle en ramassa un deuxième, qu'elle lança à nouveau dans ma direction, mais sans plus de succès. Je me baissai à mon tour et ramassai le fruit. « Vous n'avez pas intérêt à me le lancer !» s'exclama-t-elle en souriant. « Ni à moi, ni à mon chien !»« Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire, » dis-je en souriant. « Regardez, il est à peine esquinté, la neige a amorti sa chute. Nous pourrions le manger, j'ai toujours un petit couteau sur moi. » « Vous avez de drôles d'idées. Vous voulez le manger dehors par ce temps-là. On va s'en mettre partout. »« Laissez-moi faire, vous allez voir. » Je sortis mon petit opinel et commençai à appeler le fruit en un mouvement circulaire. puis le divisai en quatre parts. Je tendis un quart à Denise. Elle était hésitante, mais le prit quand même. Je portai un quartier à ma bouche. « Délicieux, légèrement blette, succulent » dis-je en écartant en grand les doigts de ma main. Des touristes passèrent devant nous en nous souhaitant un bon appétit. Argos ne fut pas en reste, il eut droit lui aussi à sa part. Finalement, Denise apprécia tant que je m'empressai d'aller en chercher un autre et de le peler à son tour. À l'aide de mouchoirs en papier, nous avions nettoyé la moitié d'un banc pour nous asseoir. Après notre festin, nous nous nettoyâmes les mains dans la neige. Un rayon de soleil perça et éclaira le grand arbre. Les étourneaux étaient toujours là, une dizaine de mètres au-dessus de nos têtes, et continuaient à festoyer. Nous regardions les kakis qui pendaient aux branches, recouverts chacun sur le dessus d'un centimètre de neige. « Mon Dieu, comme la nature peut être belle !» s'exclama Denise. « Heureusement qu'il y a dans la vie des moments comme ceux que nous vivons en ce moment, des moments où nous sommes vraiment heureux. » Je ne répondis rien. Ce n'était pas nécessaire. Denise savait que je pensais comme elle.